oui, demain on ira à l'école. Je fais mes choses, mon travail, quoi. Voilà, là, là, là, là, là. Je vais faire des dessins. Tu. Ça y est, je vais rentrer. On chante? Oui. Abracadabra.